loin d'ici. Au-delà de toutes les galaxies, tu as déjà vu sans le savoir l'étendue de ses pouvoirs. Créé par l'imagination, ce monde-là, c'est la 34e dimension. Ah, ah, ah, ah. Des belettes en basket. Il y a les races moquettes. Tu as déjà vu sans le savoir une fenêtre sur ce monde. Tous les humains peuvent juste le voir. Ce monde-là, c'est la 34e dimension. Ça arrive, mais du coup. Là-bas, il faudra du courage et la foi. Tu as déjà vu sans le savoir une fenêtre sur ce monde. Tous les humains peuvent juste le voir. Ce monde-là, c'est la 34e dimension. Quatrième dimension.